Pour un transport en toute sécurité, les autobus du groupe Véro sont les gens à contacter. Nous offrons des transports de 48 à 56 passagers en plus du transport scolaire. Chez le groupe Véro, notre confort est notre priorité. Téléphonez-nous au 418-679-1573. Le personnel et la direction du groupe Véro souhaitent une belle saison au Sabre de Roberval et fiers commanditaires de la chronique de l'instructeur chef Patrice Gagnon. Il y avait un match qui nous intéressait hier en fin de semaine avec les Sabres de Roberval. Les Sabres de Roberval qui jouaient, qui affrontaient la formation des Épeviers de Normandie. On en parle avec notre ami Guillaume Gay. Salut Guillaume. Salut Danny. Guillaume, c'était un match contre les Épeviers de Normandie. Victoire de 3-1. Oui, très bon match de hockey de notre part. Ben, des deux côtés, finalement, ça a été un bon pointage. Un match assez défensif. Les deux gardiens ont fait un bon travail. Et deux buts, en fait, en milieu de troisième, là, puis un en fin de troisième, nous ont permis de sauver avec la victoire. OK, OK. Donc, si on y allait avec... donc, dans ce match-là, c'est quand même une semaine tranquille. Notez que il y a quand même Jesse Saint-Pierre qui a marqué deux buts. Il va bien, Jesse Saint-Pierre, hein? Oui, Jesse, bon début de saison. C'est un marqueur, puis il remplit son rôle à la perfection pour ce début de saison. OK. Là, maintenant, il se passe quoi au cours du week-end? En fin de semaine, deux gros matchs. On affronte les deux grosses forces là. C'est en route à Chicoutimi samedi après-midi. Puis après ça, on se déplace à Jonquière dimanche soir pour affronter les Marquis là, qu'ils ont battu deux fois la semaine, là, deux semaines. Puis les Marquis vont bien, hein? Oui, les Marquis depuis qu'on s'est parlé là, depuis trois semaines, il y avait une victoire, trois défaites. Là, je pense qu'ils ont quelque chose comme 5 ou 6 victoires en ligne. Là. Ouais, c'est une question de temps avec l'équipe de Bob reprenne le bon chemin. OK. Donc, et là, ça se resserre beaucoup. Les Épeviers de Normandie qui avaient commencé un bon début de saison. Et là, ça se resserre beaucoup dans le classement. C'est ça qui est le fun, une parité. Oui, c'est ce que je te parlais au début de saison, là, la parité dans la ligue. Là. Même les Adelons sont dans le trou aussi. Là. Avec 12 points, ils sont à 4 points de nous. Puis, il s'agit d'avoir une mauvaise séquence de 3-4 défaites, là, puis on dégringole au classement. Et de l'autre côté, si on est capable de coller 3-4 victoires en ligne, ben, on va être capable de grimper puis se rapprocher du premier rang. OK, OK, OK. Donc, les effectifs sont quand même intéressants. Je veux dire, il n'y a pas trop de blessés de ce côté-là? Non, on a un blessé depuis le début de la saison, là. En fin de semaine, comme Normandais, on était 17 joueurs. Puis en fin de semaine, là, pour nos deux matchs, contre Chicoutimi-Jonquière, ça devrait jouer entre 15 et 18 joueurs. Là. Fait que tout est en place. Là. Chaque joueur faisait l'effort pour être présent au match là, avec le travail et tout. Là. Okay. Fait que, c'est sûr que quand tout le monde est là, on a une meilleure performance que quand on est 12 joueurs. C'est clair. On se reparle bientôt. Ouais, pas de problème, Danny, merci. Voilà l'instructeur-chef Guillaume Gay.